Le soleil se couche parfois à Montpellier. D'Antoine Chénas. Un mort n'a pas besoin d'être tué deux fois. Antigone, Sophocle. Aujourd'hui. Le réel n'existe pas, le réalisme non plus. L'ennemi de la vérité s'incarne dans la certitude. Rien n'est donc moins sûr que les événements relatés ci-dessous. Cette histoire se déroule à Montpellier, l'ancienne Surdouée. Les aïeux se souviennent encore du vieux sobriquet de la ville qui, après des années d'oubli, ressurgit dans certains quartiers. Le Clapas, l'amas de roches. 8e ville de France, 270 000 habitants, 20% d'étudiants. À 10 km au sud, la Méditerranée, plate et lourde. En saison estivale, les flots adoptent une teinte d'huile de vidange usagée. L'été paraît ici plus féroce qu'ailleurs. Le soleil, boule de magma vorace, pétrifie la cité, étend son empire ardent jusqu'aux confins du département. Le Lez, à l'est, s'essouffle. La Mausson et le Verdançon, à l'ouest, deviennent des filets d'eau à peine perceptibles, des chuchotements sur un lit de béton. Imaginez un homme âgé d'environ 65 ans, grand, solide. Si ce n'est un léger tassement des épaules, une infime courbure de l'échine, l'âge n'a guère altéré un maintien que l'on devine être celui d'un sportif qui n'a jamais cessé de s'entretenir. Certes, les rides se sont installées au creux des joues et à la commissure des lèvres, le regard s'éternit sous l'obstinée alternance des saisons, mais cet individu demeure en grande partie celui qu'il a été et qu'il ne veut plus être. Pour plus de commodité, appelons-le Monsieur Z. Ou Z, comme on voudra. Il est 14 heures. La chaleur est d'autant plus accablante que la fraîcheur apportée par l'orage d'été la semaine précédente, et qui justifie la présence de Z à Montpellier, n'est plus qu'un lointain souvenir. Il s'installe à la terrasse d'un café tout en bas d'Antigone, en bordure du Lez. La lumière est aveuglante, les promeneurs rares. Ce quartier, grand rêve de la gauche post-68arde, s'est vite transformé en temple de l'indolence consumériste. La vision grandiose du maire d'alors, Georges Fraîche, et de son ami l'architecte Ricardo Bofill, s'est coulée avec un naturel confondant dans les aspirations du libéralisme des années 1980. Aujourd'hui, en 2018, le rêve a pâle figure. Le capitalisme ne survit plus aux désastres économiques et écologiques qu'il a lui-même enfantés que par perfusion des instances publiques. La population, cependant, continue à vivre, à s'acheminer. Les gens se succèdent les uns aux autres, indistincts. En ce début d'après-midi, la majeure partie des promeneurs opte pour l'ombre protectrice des établissements de boissons ou la fraîcheur artificielle du gigantesque centre commercial Polygone, plus haut dans le quartier. Seule une femme vêtue d'une robe en lin toute simple et coiffée d'un chapeau de paille est assez téméraire pour paraisser en bordure du cours d'eau. Le dos tourné, elle paraît contempler son reflet dans l'onde du fleuve. Le sexagénaire l'observe un moment. Il la devine, à sa chevelure grise ramenée en chignon, au lentigo qui assombrit par endroits ses bras nus, par ailleurs vigoureux, légèrement plus vieille que lui. Puis il détourne le regard, absorbé par les difficultés logistiques qu'il va devoir surmonter s'il veut s'acquitter de la mission qu'on lui a confiée. 4 jours auparavant. 6 jours par semaine, depuis plus de 20 ans, Jean-Yves Marcelin commence son secteur par le jardin des plantes, puis traverse le boulevard. Cette nuit, un formidable orage a secoué la cité. Ce matin, en prenant le petit déjeuner avec la radio branchée sur France Inter, il a entendu un écologiste prétendre que les sinistres seront plus violents, plus fréquents à mesure que l'activité humaine s'accroîtra et que les ressources s'épuiseront. Jean-Yves ignore quelle part de vérité recèle ce diagnostic. Mais il sait que les intempéries de cette nuit ont atteint un degré d'intensité rarement égalé. Il déteste les orages d'été et leur cortège de trucs dégueulasses sur la chaussée. Le fini parti, qui l'autorise en général à terminer son service aux alentours de 10h30 pour s'abriter de la canicule, se prolongera au-delà du raisonnable, il en a le sentiment. Oui, décidément, il hait les orages. Après avoir traversé le boulevard, il poursuit son circuit par le square de la Tour des Pins. Il y pénètre par l'entrée Henri IV. Tout de suite à gauche, le fameux édifice de 4 étages. En face, la cathédrale Saint-Pierre et la statue de Sainte-Marie-Madeleine. Jean-Yves se rend compte presque immédiatement qu'il a dû se produire un événement horrible. Un petit attroupement s'est formé au pied de la tour. Parmi la dizaine d'individus présents, Jean-Yves reconnaît le baron Soral et le premier consul, Delaunay. La tour abrite depuis 2003 l'association des barons de Caravette et des amis de la baronnie. La mine grave et l'œil circonspect, les augustes personnages lèvent les yeux à son arrivée, le saluent d'un bref hochement de tête, puis reportent leur attention sur la dépouille à leurs pieds. Le silence, la gravité teintée de stupéfaction, l'immobilité parfaite, tout dans ce tableau suggère la cérémonie occulte, la veillée funéraire. Jean-Yves commence à transpirer. Un frisson qui ressemble au passage d'un nuage court le long de ses bras nus. Il n'est même pas 8h du matin. La forme qui gît à terre est noire, tordue, carbonisée, mais personne ne s'y trompe. Il suffit de regarder en hauteur et d'examiner les créneaux de la tour 25 mètres en surplomb, ce qu'accomplit Jean-Yves dans un mouvement instinctif. Et dans un autre mouvement tout aussi instinctif, il se signe. Ses lèvres prononcent des mots un peu absurdes qui lui reviennent d'une enfance pieuse. Jésus-Marie-Joseph. Le 2 octobre 1529. Le jeune Michel de Notre-Dame s'éveille en sursaut sur sa couche, un simple sac de toile rembourré de paille. Son sommeil vient une fois encore d'être troublé par un songe. Sans savoir pourquoi, il note scrupuleusement chacun d'eux à la plume d'oie. Peut-être envisage-t-il déjà un usage ultérieur, qui sait? Pas plus tard que la veille, Guillaume Rondelet, le procurateur des étudiants de la faculté de médecine, l'a rayé du registre pour ses activités d'apothicaire, art manuel proscrit à qui désire présenter l'actus triumphalis. Comme souvent lorsqu'il est contrarié, Michel a rêvé d'apocalypse, de flammes, de tourments. Cette fois, il trace les mots suivants sur le papier mandé auprès des moulins à eau de l'Hérault. « Lorsque les pins disparaîtront, la cité périra. » Il ignore de quel pin il s'agit, mais il a vu Montpellier brûler. Il a entendu les cris et senti l'odeur du bois calciné. Cette phrase, il la recopiera 25 ans plus tard dans ses centuries. Il faudra attendre 2 siècles pour que poussent 2 pins au sommet d'une petite tour, nommée alors Torre que es tras la obra del papa. 2 arbres, germés de la terre accumulée entre les dalles de la plateforme, pour que la prophétie prenne tout son sens. Entre 1976 et 1981. Monsieur Z et Anna commencent à travailler pour le service l'année où Georges Fraîche, à Montpellier, lance l'association Citoyens et Urbanisme. Pas un buraliste qui n'ait sa pile de brochures à côté de la caisse enregistreuse, pas un mur de la ville qui ne soit épargné par les affiches 4x3 prophétisant le retour des classes laborieuses au cœur de la cité. À 39 ans, l'ogre socialiste remporte les élections. Un vent carmin commence à souffler sur le territoire. Un des responsables du service leur dit « Giscard est un imbécile, S'il se représente, il amènera la gauche au pouvoir. Il faut réveiller les nationaux. Alors les fantassins, nostalgiques de l'Algérie française ou gouabs issus de la petite délinquance, francs-tireurs du renseignement ou militants d'extrême droite, retroussent leurs manches. En prévision des législatives en 1978, puis de la présidentielle, ils occupent le terrain. Sous l'égide d'anciens des commandos Delta de l'OAS, ils cassent du rouge, voyagent beaucoup, brisent autant de grèves que possible. Les rouquins de la CGT, les étudiants, les membres d'associations pour la défense des immigrés, des toxicomanes ou des homosexuels sont qualifiés de traîtres à la patrie. On les entreprend en conséquence. La lutte contre la subversion gauchiste s'accommode de chantage, d'intimidation, de violence physique. Parfois, des gens disparaissent. On ne les revoit pas. Quelques suicides alimentent la presse régionale. À deux ou trois reprises, des exécutions franches sont attribuées à des lampistes. Il s'agit d'enrayer le péril rouge par tous les moyens. L'essor du parti Le Rassemblement tient de cette logique. Ce mouvement nouvellement créé constitue aux yeux de certains l'unique recours face à VGE et à sa politique désastreuse. Le Rassemblement doit être protégé coûte que coûte, y compris contre certains de ses membres jugés trop vertueux. Une époque trouble. Pendant ce temps, Georges Fraîche et son compère Raymond Dugrand, premier adjoint à l'urbanisme, inaugurent le chantier Antigone, censé donner à la mixité un nouveau sens et une réalité vécue. Fort heureusement, le troisième gouvernement de Raymond Barre veille au grain. Michel Dornano, ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, s'emploie à ralentir la progression des idées socialo-communistes dans le Sud par l'intermédiaire de son secrétaire d'État chargé du logement. Afin de préserver l'égalité des chances et d'abolir les privilèges des classes populaires, la droite fait obstruction au projet jusqu'en 1981. Dès son accession au pouvoir, François Mitterrand débloque la situation. Sans lien de cause à effet, il prononce un an plus tard l'interdiction du service. Les faits divers deviennent trop nombreux, trop sanglants. Le président comprend que la seule différence entre le service et la bourgeoisie mercantile réside dans le défi ouvert aux lois communes. Délivré des antagonismes forts qui constituent paradoxalement son dynamisme, le pays n'a d'autre choix que de se soumettre à la frénésie du marché dérégulé. Le fond mazouté du progrès est à ce prix. Emportés par des idéaux obsolètes, par un lyrisme d'arrière-garde, les socialistes comprennent trop tard l'importance d'un ennemi incarné, fût-il occulte, pour exister. Le début de la fin. 1936. Seront dissous, par décret rendu par le président de la République en Conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de faits qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupe de combat ou de milice privée. Loi du 10 janvier, article 1. Aujourd'hui. Il termine sa consommation, demande l'addition. Le serveur, un jeune blanc-bec à la poitrine creuse et à la moustache naissante, tente de lui appliquer le tarif réservé aux touristes, une majoration de 30% sur les prix habituels. Il adresse une simple remarque au serveur, sans hausser le ton, avec des mots choisis, très corrects. L'employé bafouille, tremble, jure qu'il s'est trompé, puis s'éclipse pour revenir muni d'un papier sur lequel est imprimée une somme beaucoup plus raisonnable. Ce genre de réaction n'est pas inhabituel chez les interlocuteurs de M. Z. Il arrive que certains perçoivent dans son attitude, dans son regard, une menace diffuse, qu'ils détectent l'aura de celui qui a humé l'odeur des chairs corrompues, s'est enduit les mains de sang chaud et a fermé son cœur aux supplications de ses victimes. Il ne joue pas outre mesure des vestiges de son ancienne personnalité. Si l'individu en face de lui n'est pas réceptif, il n'insiste pas. il se comporte depuis une quarantaine d'années en homme civilisé. Il paye, se lève. Le défi technique qu'implique la pose d'un cyprès adulte au sommet d'un monument historique de 4 étages n'est pas une mince affaire. Sa visite à Montpellier n'est qu'une étape préalable. Il doit examiner les lieux, prendre des notes avec les services techniques, puis retourner chez lui, à Latte, le soir même. Il faut hisser le conifère en évitant de l'endommager ou de le stresser, et en gardant intact l'encorbellement de la tour, joyau du XIVe. Le bois sera planté selon un angle idéal, suffisamment stable pour prévenir une nouvelle chute, mais visible de la population, été comme hiver, grâce au feuillage persistant. Le cœur léger, les administrés contempleront les frondaisons qui émergent des créneaux, chose que ne permettaient pas les tuyas en pot envisagés à une époque. En vertu d'une ancienne prophétie bien connue de la population locale, les édiles de la métropole remplacent systématiquement les pins morts au fait de la tour homonyme. En réalité, ce ne sont pas des pins, dont les racines endommageraient trop le dallage de la plateforme supérieure, mais bien des cyprès qui trônent depuis plusieurs siècles en face de la cathédrale Saint-Pierre. Semblables opérations de renouvellement ont déjà été menées en 1828, puis en 1960. Et aujourd'hui encore, à l'ère du réseau mondialisé et de l'éther électronique, certaines personnes croient que si la ville a survécu aux guerres de religion, aux outrages de la contre-réforme et aux ravages de la crise, il n'en sera pas de même à l'éradication des conifères. Monsieur Z se demande s'il va partir à gauche pour remonter le Lez en direction du cimetière Saint-Lazare, dans les allées duquel il pourra admirer les cyprès centenaires, ou prendre à droite et laisser son esprit vagabonder au gré du courant. Sans réellement savoir pourquoi, il opte en faveur de la première solution. La femme au chapeau de paille est assise, immobile, à une dizaine de mètres en amont. Il vient à Monsieur Z cette pensée saugrenue que des choix en apparence anodins peuvent quelquefois, et à l'insu du sujet, adopter l'allure d'une tragédie grecque. 7 ou 8 pas en remontant vers le nord, vers la femme, et un vague malaise s'insinue en lui. 2 pas supplémentaires, et il sent sa fréquence cardiaque augmenter insensiblement. La femme est plus près. Comme elle se tient de dos, il ne distingue pas ses traits, seulement la courbure de son dos, très droite, presque rigide. Un maintien familier sans qu'il puisse exactement déterminer en quoi. Encore un pas. Une légère crispation de l'estomac. Ce type de dérèglement physiologique est assez inhabituel chez lui. Il aimerait que ce soit juste un début d'insolation. Par cette chaleur, cela n'aurait rien d'étonnant. Ou une petite indigestion due à un déjeuner un peu trop chargé avec l'adjoint à l'urbanisme dans la vieille ville. 2015. Hector Mazard, architecte de son état, connaît M. Z depuis 3 ans. Depuis que ce dernier a travaillé dans son jardin et qu'Hector a tenté, ainsi qu'il l'a déjà fait avec divers artisans de la région, de le payer avec un chèque en bois. Le carnet est à son nom et, à vrai dire, c'est bien la seule chose qu'il possède encore. La maison, les meubles, la voiture, tout le reste appartient à sa femme. Hector Mazard s'applique à demeurer virtuellement insolvable. Il se délecte ainsi d'abuser de ses victimes en toute impunité. Mais tout ceci change le jour où il rencontre Monsieur Z. Hector s'est mis en tête de planter des oliviers sur 2 ou 3 planches inutilisées en bas de sa propriété. En effet, il a vu plusieurs de ses voisins, des habitants issus des vieilles familles du cru, procéder à la collecte d'olives en décembre. Sur un coup de tête, l'escroc s'est dit qu'il aimerait bien, lui aussi, avoir sa propre huile et accessoirement en mettre plein la vue à ses visiteurs. Il a donc fait appel à un pépiniériste de la région. L'homme ne paye pas de mine. Il est avare de mots, mais travaille vite et bien. Le mois suivant, Hector jouit d'une des plus belles oliveraies du coin. Bien entendu, il paie l'entrepreneur avec un de ses fameux chèques sans provision. Entre le moment où l'on découvre l'impayé et l'instant où, après s'être laissé berner par de belles promesses sans cesse renouvelées, on se résout à réclamer l'aide des tribunaux, il peut s'écouler plusieurs années. Au bout du compte, Hector a ses interlocuteurs à l'usure. Les types à bout de force, amaigris de 10 kilos et au bord de la dépression, jettent l'éponge. Jusqu'à présent, pas un seul de ses prestataires n'est parvenu à lui faire entendre raison, que ce soit par l'intimidation, l'appel à la compassion ou pire, le chantage à l'honnêteté. Monsieur Z est passé une fois, avec le chèque refusé. Après avoir patiemment écouté les explications d'Hector, il est reparti. Hector a d'abord songé que le pépiniériste était moins coriace qu'il ne l'avait cru. Mais environ un mois plus tard, l'homme est revenu. Hector n'a jamais su comment il s'était introduit dans la propriété, comment il avait fait pour déjouer le système d'alarme, pour amadouer Siegfried, le berger allemand de sa femme, à l'époque en voyage d'affaires. Mais une nuit, à 2 heures du matin, Hector se réveille et le type est là, assis sur une chaise à côté du lit, plongé dans la pénombre. Il parle d'une voix douce, concise. Une voix qui effraie Hector d'une façon inédite. Et quand l'homme approche son visage, l'aigrefin voit danser dans ses yeux une lueur telle qu'il n'en avait jamais encore contemplée. Pour la première fois de sa vie, il a peur. Non pas une de ces frayeurs passagères, plus stimulantes que nocives, mais une terreur authentique, jalouse et exclusive, qui englobe sa femme, ses enfants, ses amis et ses confrères au cabinet, son existence telle qu'il la connaît jusqu'à présent. Monsieur Z disparaît aussi vite qu'il est apparu. Le lendemain, Hector ne se souvient plus des mots qu'il a cru entendre. Il n'arrive même plus à cerner les contours exacts de la menace, mais la peur demeure. Il demande à son épouse de lui restituer une partie de ses comptes, qu'il utilise afin de s'acquitter de toutes les dettes en souffrance depuis des années. Une révélation. Il lit la surprise, l'incompréhension ou le soulagement sur les traits de ses anciennes victimes. Et dans le regard de l'homme à l'origine de ce bouleversement, une simple constatation. Ensuite, Hector se lance en politique. Il juge que l'exercice public est désormais le seul domaine où ses aptitudes malveillantes pourront s'exercer en faveur de l'intérêt général. En un mot commençant, il désire faire le bien. Ses compétences professionnelles, son bagout et son goût de l'intrigue lui permettent en moins de 3 ans d'accéder au rang d'adjoint à l'urbanisme sur la liste du nouveau maire. Il n'a pas oublié la peur, conservée dans la chaleur écarlate de son cœur. Le plaisir de vivre s'est accru de la certitude d'une mission. Mû par un inexplicable attrait du péril, il obtient du conseil que Monsieur Z devienne le pépiniériste officiel de la ville pour les 5 années à venir. Il le contacte dès qu'il apprend la chute de l'arbre au sommet de la tour des Pins, après une nuit de tempête mémorable. Aujourd'hui, Z dépasse la vieille dame en bord de fleuve. Du coin de l'œil, il détaille sa silhouette, la ligne de ses épaules, la naissance du cou. Cette manière de pencher la tête, crinière blanche, comme un fauve intrigué par son reflet dans l'onde. Il presse le pas, redoute de s'attarder. La pulsation cardiaque contre ses côtes refuse l'accalmie. La progression manque d'assurance. Les jambes menacent de se dérober. Il a l'impression d'être devenu un grabataire ou un nouveau-né. Il force son esprit à un raisonnement logique. Non, impossible. Cela ne se peut pas. Pas après tant d'années. Pas ici. Alors pourquoi cette sueur déposée sur son front et sa nuque comme une main glacée ? Pourquoi cette électricité au bout des doigts ? Il sait pourquoi. Les mirages refusent d'abandonner. C'est leur principal mérite. Ils reviennent en traître au moment où l'on s'y attend le moins et où l'on croit enfin en être débarrassé. Sous un certain angle, sous une certaine lumière, Il n'hésite pas à prendre en otage de parfaits étrangers, à intervenir par leur voix, à s'incarner dans un fragment d'anatomie, une posture. L'homme sait aussi, confusément, que sa vie avec Solange et les enfants n'est qu'un ersatz. Elle ne lui suffit pas. Elle est incomplète. Il s'y cramponne cependant car elle constitue depuis toujours l'unique moyen de survie à sa portée. Celui auquel il s'est autrefois attaché pour échapper à la lassitude, à la peur et au terme prématuré de sa propre trajectoire. Novembre 1979. Dans une aube qui ressemble au crépuscule, Monsieur Z et Anna regardent le politicien, abruti par les médicaments, titubé jusqu'à l'étang. Il s'enfonce d'une quarantaine de centimètres dans la vase, puis s'arrête. Il grelotte. Il a froid. Son visage est tuméfié et c'est bien embêtant. Il est censé se suicider. L'idéal serait que l'enquête conclue à une noyade après forte absorption de Valium. Les lésions sur les joues et son front passeront peut-être pour les résultats d'une chute malheureuse. Une seule certitude, sa voix se joindra bientôt au chant funèbre qu'entonnent les disparus. Éprouve-t-il des regrets? De l'angoisse? Ou simplement de l'indifférence? De toute façon, la partie est jouée. Il a perdu. En signe de reddition, ou peut-être parce que ses forces l'abandonnent, il s'agenouille dans l'eau saumâtre. Monsieur Z s'approche par derrière. Il retrousse ses manches avec l'espoir d'éviter les éclaboussures. S'ils ont bien dosé les comprimés, la victime sera trop faible pour se débattre. Il pose les mains sur ses épaules. L'eau froide, identique à une suée maladive, remonte par capillarité le long des jambes de Monsieur Z. Sa peau s'émerise. Il se met à trembler. Sa tentative pour obliger le politicien à se courber est un fiasco. Ses bras tétanisés paraissent rétifs au moindre mouvement. Un reflux gastrique noie son œsophage. Il va se mettre à vomir. Heureusement, Anna se porte à sa hauteur. Elle joint ses mains aux siennes dans le dos du politicien. Ils accomplissent leur besogne. Monsieur Z sait que ce meurtre constitue leur dernière mission. Il fréquente une femme depuis 4 mois. Une femme normale, pas une tueuse. Cette créature lui manque lorsqu'il doit s'absenter. Elle lui donne pour la première fois de sa vie une importance autre que strictement utilitaire. Tout ce qu'elle fait lui semble juste, équitable, bienveillant. Il se surprend à bénir chaque jour où il la côtoie, à savourer chaque seconde en sa compagnie. Se lever le matin, déjeuner dans des endroits inconnus, entretenir ses armes et partir la peur au ventre n'est plus un calvaire, car il sait qu'il va la revoir. Elle lui a parlé de la pépinière pour laquelle son père, futur retraité, ne trouve pas de repreneur, de son désespoir, de sa crainte d'échouer à transmettre ses compétences. Monsieur Z bénéficie de son côté d'un joli petit pactole thésaurisé au fil des engagements. Il est d'un naturel économe. Jusqu'à présent, il a envisagé son existence ainsi qu'un cul-de-sac, voué à se terminer de façon abrupte et anonyme. Il entrevoit désormais une porte de sortie. Le soir venu, il annonce la nouvelle à Anna. Il compte se retirer, mener une vie ordinaire. Il n'en peut plus de ses cœurs qui cessent de battre, de ses souffles pétrifiés, de ses pupilles dont la dilatation définitive évoque une éclosion avortée. Demain, ce sera mon tour. Ou le tien, Anna. Je sais. J'ai une chance de m'échapper. Tu comprends? Oui. C'est bien. Il devine qu'elle ne ment pas. Elle est réellement contente pour lui. Et cette joie est une déchirure. Elle ne s'enquiert pas du nom de la femme qui va le sauver. Elle n'émet aucune réserve sur sa capacité à occuper un véritable emploi, à dompter la violence en lui, à se ranger. Ils sont amants depuis un an, mais ce qui les unit se situe bien au-delà de l'acte charnel. Lui et elle savent où mène la voie qui est la leur. Il a la chance d'infléchir son destin. Cette chance ne se représentera pas et il n'y a pas de place pour elle dans le voyage qu'il entreprend. Il se quitte par un matin brumeux sur le seuil d'un hôtel de seconde zone. Vrai couple sous un faux nom, ils y logeaient le temps de la mission. Le politicien est mort, ils doivent s'éclipser. Le suicide maquillé risque de causer une certaine agitation à l'échelon local. Elle ne lui demande pas où il va. Une brève accolade, une main sur sa joue et un sourire hésitant. Il lui tourne le dos. 10 fois, 20 fois, elle aurait eu l'occasion de le tuer. Par vengeance, par sécurité. Il ne comprend qu'au moment où il s'éloigne d'elle combien elle l'a aimé. Combien elle l'aime encore. Il s'enfonce dans le brouillard sans se retourner. 2 mois après, les rêves commencent. Aujourd'hui. Les eaux du Lez renvoient un soleil fractionné, indifférent. Le char d'Apollon en miettes. Il accélère le pas. Hors de question de laisser les mirages tout détruire. Partir, vite, s'empresser d'oublier. Il entend son nom. On l'appelle d'une voix qu'il reconnaîtrait entre 1000. Il ne peut plus plaider l'abus d'essence. Alors il se retourne. 40 ans pour effectuer ce simple mouvement. Anna ? Plaisir et peur s'épousent en lui. Une union douloureuse, un sacre de ronces. Elle s'approche. Il ne bouge pas. Statue de sel, ses muscles promettent de s'effriter au moindre mouvement. À présent, il distingue mieux ses traits. Les rides ont accentué chaque caractère du visage. À vrai dire, ils en rehaussent l'imparfaite beauté. Le menton, légèrement en avant, est devenu plus volontaire. La bouche, incurvée, semble ployer davantage. Et si les paupières cèdent un peu plus à la pesanteur, elles ne masquent pas la flamme dangereuse de son regard, inaltérée malgré le passage des saisons. Ses cheveux ont blanchi. Et lui, de quoi a-t-il l'air ? D'un vieillard, bien entendu. Après une brève hésitation, ils se serrent maladroitement dans les bras l'un de l'autre. Combien de fois a-t-il vécu, au cœur de la nuit, tandis que Solange dormait à ses côtés et que la maisonnée respirait d'un souffle calme, une identique étreinte. Il n'ose pas compter. Dans la réalité, le contact est néanmoins différent. Plus bref, plus gauche, presque violent. Il recule, la contemple. « Je t'offre un verre ?» 1978. Lorsque les coups et blessures, les agressions armées, les rackets, les incendies volontaires, les chantages, les vols et recels, les dégradations de véhicules, les calomnies et les outrages ne suffisent plus, le service emploie des gens comme eux. Des gens sans passé, sans avenir, des pages blanches. Ils sont exempts de culpabilité. Ils n'éprouvent aucune haine, aucun regret. Nulle idéologie ne guide leurs actes. Ils n'aiment même pas l'argent. Ceux que l'on nomme ailleurs « fonctionnaires » adoptent dans le milieu qui nous occupe le qualificatif de « charbonneurs ». Leurs cibles sont traitées, et leur valeur se mesure à l'aune de leur dangerosité. L'indifférence les rend imperméables à la plupart des moyens de pression. Monsieur Z pivote au premier coup, tente d'esquiver. Un second coup, il est à terre. Son visage heurte le lino d'où émane, détail singulier, une odeur de citron. Monsieur Z se met sur le dos, tente d'accommoder sa vision. Son assaillant le domine, un vilain rictus plaqué sur les traits. Il porte une fine moustache, un peu désuète. La mode est aux bacchantes plus fournies. Ses cheveux bruns plaqués en arrière lui donnent l'air d'une sale petite fouine, ce qu'il est sans doute en plus nuisible. Monsieur Z suppose qu'il a affaire à un homologue. Inutile par conséquent de supplier, de poser des questions, d'essayer de savoir d'où peut venir la trahison. D'après Anna, les locaux de l'association devaient être vides. Monsieur Z aurait dû attendre le responsable dans le noir, puis le tuer proprement avant d'ouvrir tous les placards, de déverser le contenu des tiroirs au sol et de dérober la petite boîte en fer où l'on entrepose la monnaie pour les adhérents de façon à reproduire le tableau d'un cambriolage qui a mal tourné. L'agresseur est équipé d'un Manurin MR-73, canon 4 pouces, barillé pour gaucher, chambré en 9 mm parabellum. Une arme atypique. Il avance. Monsieur Z ne songe pas à prier ni à maudire le sort. Dans quelques secondes, il sera au rendez-vous du destin écrit pour lui depuis longtemps. Son cœur bat plus vite. Il ressent des fourmillements au bout des mains. Cette réaction le surprend. Un gant froid empoigne ses tripes, serre très fort. Il craint de souiller son pantalon. Qu'est-ce donc, sinon de la peur? Il tente de balbutier, de mendier un sursis, comme tous les caves qu'il s'était juré de ne pas imiter. Un filet de bave coule sur son menton. Il passe de l'état solide à l'état liquide sans variation de température. L'heure a sonné et il éprouve une terreur qu'il n'aurait jamais cru devoir affronter. Une petite voix à l'intérieur de lui, une voix ressemblant à celle du garçonnet qu'il a été un jour et qui ressurgit immanquablement au déclin de l'existence, gémit « Maman, s'il te plaît, au secours ». Le tueur arme le chien de son MR-73. Il se passe la langue sur les lèvres. Ses gestes sont sûrs, inéluctables. Soudain, son regard se voile, ses yeux se révulsent, il ouvre la bouche en une syllabe muette, puis s'affale, pareil à un sac jeté sur un quai de transbordement, à une épave sur le rivage, déclinée par l'écume. Les nerfs de la moelle épinière, sectionné, envoie un dernier message au cerveau. Une ultime impulsion, quelques soubresauts, et c'est fini. La tête d'une aiguille dépasse de l'axisse. La banderille d'une quinzaine de centimètres s'enfonce à un angle de 45 degrés sous l'occiput. Un travail net, propre et silencieux. Il n'existe qu'une personne au monde, à la connaissance de Monsieur Z, capable d'effectuer un geste d'une telle précision. Une autre silhouette, plus menue, a succédé à celle du tueur. Anna se tient debout dans l'embrasure de la porte, une deuxième aiguille à la main. L'inexpressivité de son visage n'est contestée que par une légère crispation des lèvres. Une moue de contrariété où se lit l'infime déception de le voir si vulnérable. Sur le chemin du retour, dans la voiture, il se met à trembler. Anna conduit, les yeux rivés sur la route. Elle ne lui accorde pas un regard. Un véritable séisme intérieur, venu du plus profond des entrailles, menace de le briser corps et âme. Il voudrait parler, mais ses mâchoires sont verrouillées. S'il peut mettre un nom sur ce qu'il ressent, Anna le peut aussi. Il n'échange pas un mot. Anna se gare devant un entrepôt, au fin fond d'une de ces zones industrielles qui commencent à essaimer le territoire. Ils sortent de voiture. Anna fait coulisser le volet roulant. Ils s'engouffrent à l'intérieur. une planque, un repère. Un grand lit de métal dans un coin, avec lequel voisine un curieux vase en fer blanc, orné de 2 ou 3 fleurs. Sans doute ce qui se rapproche le plus d'un foyer pour Anna. Il s'écroule sur le lit, les jambes sciées. Quelqu'un l'a trahi. Depuis plusieurs mois, le service est troublé par des luttes intestines. Différentes antennes régionales se disputent l'héritage gaulien dont les exactions commises au fil du temps ont effacé jusqu'à la moindre trace. Monsieur Z a-t-il été victime d'une faction rivale? Ou pire, de sa propre hiérarchie? Difficile à dire. Il songe à quel point son destin particulier est lié à celui du service, et à quel point la trajectoire du service rejoint celle de la nation et des cités qui la composent. La légende du brassage multiculturel s'est retrouvée soumise à la quête des crédits, à l'obsession des pourcentages. Les individus, foule atomisée en une multitude d'îlots remplis de désirs, de réflexes, ont accepté de brader les idéaux du nouvel Adam pour une maison, une voiture dernier modèle et une haie de rhododendron. Ces pensées en amènent une autre plus inconfortable. Anna aurait pu se laisser convaincre de le piéger. Si tel est le cas, pourquoi a-t-elle changé d'avis? Sa complice s'assoit à côté de lui sur le lit. Elle pose la main sur son dos. Une pression calme qui l'encourage. La voix de l'homme parvient enfin à se frayer un chemin dans son gosier desséché. J'ai eu peur. Je sais. Ces deux mots sous-entendent plusieurs choses. D'abord qu'il est humain, et ensuite qu'il n'est plus fiable. Anna se penche vers lui. L'embrasse d'abord sur la joue, puis dans le cou. Il tourne la tête. Leurs lèvres se touchent. Là, dans cet entrepôt glacial, sur cette couche de fer, ils font l'amour. Anna collaborera avec d'autres exécutants, acceptera d'autres engagements sur d'autres terrains. Lui se tiendra à l'écart pendant presque un an. Il s'installera à Latte, près de Montpellier. Durant cette période, il rencontrera la femme qui le sauvera, responsable d'une renaissance qu'il croyait impossible. Solange. Un an plus tard, Anna le contactera pour une dernière mission. Un politicien qui en sait un peu trop sur le financement du rassemblement. Les luttes de factions, encore et toujours. Aujourd'hui. Il existe plusieurs langages. Celui du voyage ou des affaires, celui du repos ou bien les phrases que l'on s'adresse à soi-même lorsque l'on est seul aux petites heures du jour et qu'il ne palpite d'autres chaleurs susceptibles de vous réchauffer que cathodiques. Enfin, il existe le dialecte de ceux qui ont connu des expériences extrêmes. La guerre, le viol, le meurtre. Monsieur Z et Anna, eux, ont participé à un conflit asymétrique, furtif et intermittent, qui incarne au sein de la République la défense des intérêts nationaux contre les traîtres à la patrie et constitue le socle commun à partir duquel ils peuvent communiquer. Ce langage, pure idiosyncrasie, ils en retrouvent immédiatement l'usage. La communion est instantanée. Rien n'a changé. Depuis combien de temps n'a-t-il plus échangé avec autrui de cette manière-là? Leur dialogue est une source intarissable, leurs mots une coulée de miel sur des cordes vocales malmenées par le temps. Ils poursuivent leur promenade par une excursion dans la vieille ville. Les articulations craquent, le corps supplie. Ils ont l'air de ce qu'ils sont, deux vieillards. Monsieur Z se demande si les passants les prennent pour un couple. Peu probable. Il respecte une honnête distance, dictée autant par sa méfiance envers Anna que par le manque de fiabilité de ses propres réactions. La conversation ne lui fournit aucun indice sur ce que les années ont pu leur voler. Ils parlent à mi-voix, ce qui oblige Monsieur Z à se pencher plus que de raison vers son interlocutrice. L'écusson leur apporte une fraîcheur bienvenue. Tu tues encore ? Lui demande-t-il à voix basse. Parfois, avec l'aide d'exécutants plus jeunes, mais à l'étranger exclusivement. Amérique latine, Afrique. Les expertises et l'ADN ont fait trop de progrès en Occident. On ne peut plus y travailler comme avant. La France, c'est terminé. Après une pause, elle ajoute, comme à regret. Et puis mon corps fatigue. Le mien aussi. Mais tu ne tues plus. En effet. Il lui raconte Solange. Ses enfants dont chaque rire est source d'émerveillement, chaque respiration une revanche. Son enthousiasme, l'ostentation de son bonheur possède une dimension artificielle. Il aimerait approfondir les choses, scruter la faille. Après tant d'années, pourquoi éprouve-t-il encore tant de difficultés à croire que Solange et lui vieilliront ensemble, qu'il existe une issue exaltante à leur union ? Certes, ils s'aiment, mais d'un amour bancal. Lui accomplit son devoir conjugal comme on boit, pour oublier ses turpitudes les plus obscures. Le mariage ressemble à un pavillon de banlieue voué à un interminable enlisement. À la vérité, il se sent paralysé, et cette paralysie est une épreuve. Une intuition mystérieuse lui murmure que son salut réside dans la persévérance. Les explications sont sans doute inutiles. Ces mots, cette détresse larvée, Anna les a peut-être devinés. Il redouble alors d'efforts pour donner à sa vie de famille le lustre d'un modèle. Au bout d'un moment, il se rend compte que ses paroles doivent blesser Anna, même si elle n'en montre rien. Il change de sujet et lui parle de sa pépinière, du respect que lui inspirent les végétaux, le bruit du vent dans les feuilles des cyprès de Leyland, les racines des palmiers de Washington abreuvées à l'eau claire, la contemplation des jujubiers, des oliviers, des figuiers, qui procure un apaisement auquel nulle déclaration ne saurait rendre justice. Le bois ne ment pas, ne trahit pas et n'aime pas davantage. Sa quiétude, son obstination et son inertie constituent une force trop fréquemment sous-estimée. Il évoque ensuite ses contrats avec diverses collectivités ou bien chez des particuliers. Anna s'amuse quand il mentionne sa capacité à se faire payer sans jamais hausser le ton ou passer par les tribunaux. Mais cette entreprise est un labeur d'une quarantaine d'années, beaucoup moins rapide qu'un meurtre. Anna l'observe avec une lueur indéchiffrable dans le regard, puis dit « Tu as vraiment renoncé alors ?»« Renoncé à quoi ?»« À la liberté ? À la vie ? Au véritable amour ?» La réplique serait trop cruelle. Anna laisse passer un silence, lève les yeux sur les façades des maisons. Elle désigne une petite mosaïque d'une centaine de carreaux, fixée en hauteur avec du ciment à piscine et figurant un Space Invader de jeu vidéo. Monsieur Z lui explique comment, une nuit d'août 1999, un groupe lié aux Anonymous a posé 44 envahisseurs dans l'écusson. Si l'on note l'emplacement exact des effigies sur un plan de la ville, un gigantesque alien apparaît. Le centre historique recèle 1000 curiosités qu'il a appris à connaître, qu'il a apprivoisées comme des éléments d'une vie normale. Tu te souviens à quoi ressemblait Antigone quand nous sommes venus en 79 ? Reprend Anna. Bien entendu, il s'en souvient. Un chantier en préparation. Georges Frêche avait lancé son grand projet d'hypercentre. Après l'étude préalable, la période de consultation s'achevait. L'architecte Ricardo Bofill, ami de Frêche et responsable du projet, faisait déjà preuve d'une lucidité cruelle. Il déclarait « On pense aux habitants, on pense aux espaces publics, on pense aux espaces sociaux, on pense au dessin de la ville. Et derrière tout cela, il y a le privé, il y a le commerce. » Les pelleteuses allaient se mettre au travail derrière l'ancien champ de tir militaire. Le service les avait chargés d'escamoter un corps enterré dans les parages avant que des ouvriers du BTP ne tombent dessus. Mai 1979. À presque minuit, ils ne trouvent que ce bar, en lisière de l'écusson, pour les accueillir et leur offrir un rafraîchissement mérité. Les plis de leurs vêtements, malgré de nombreux efforts, demeurent incrustés de terre. Ils sentent la transpiration. La poussière s'est infiltrée dans leurs cheveux. Ils ont passé la soirée à creuser le sol ingrat d'un terrain vague. Le cadavre était dans un sale état. En dépit de l'heure tardive et de leur aspect négligé, le patron accepte de les servir. Ils prennent place au fond de la salle déserte. Au comptoir, deux clients paraissent légèrement éméchés. Le premier est un sacré gaillard, taillé comme un rugbyman qui se serait empâté sur les bancs de l'université. Le nez chaussé de besicles, un visage rond, ouvert et intelligent, qui jure avec sa carrure d'ogre, de Rabelais matois. Le second a trois têtes de moins, nez busqué, visage aquilin, sec, hiératique. Il porte une veste à carreaux et un pull à col roulé beige. Il entonne d'une voix étonnamment douce, où perce un accent ibérique. Il a élevé le peuple vers la juste cause et nous a inspiré travail et exploit. Sois glorieuse, notre libre patrie, sûr rempart de l'amitié des peuples. L'ogre applaudit, jubile. Tournée générale, rauque-t-il. Celle-ci se résume à son acolyte et au jeune couple installé en salle. Le patron s'exécute avec un sourire en coin. La faconde et les facéties du colosse semblent lui être familières. Il vient servir M. Z et Anna, de demi. M. Z lève son verre à l'intention de l'ogre. À qui ai-je l'honneur ? L'ogre s'avance, la main tendue. Vous pouvez m'appeler Georges. Eh bien, merci, Georges. On se serre la main. Vous habitez le quartier ? S'enquiert sans préambule l'ogre. M. Z ne se formalise pas de ses manières cavalières. Il lui a suffi d'observer l'individu pendant deux minutes pour comprendre que son appétit, son franc-parler, procède d'une roublardise cynique, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il sourit. Non, pas vraiment. Nous allons repeupler le centre, assène Georges, comme s'il n'avait pas entendu la réponse. M. Z ignore à qui se réfère ce « nous », mais il laisse continuer son interlocuteur, dont le discours l'amuse. Un orateur né pour l'utopie. Tout à fait le genre d'individu que le service déteste. La cité doit être le lieu de toutes les possibilités de l'expression humaine, continue l'ogre. Ah bon? Oui. Nous allons bâtir une ville tertiaire. IBM, Sanofi. Et nous n'oublierons pas le peuple, la mixité sociale. Les hôtels particuliers voisineront avec les habitations à loyer modéré. Le vivre ensemble sera au rendez-vous de l'histoire. Parce que l'avenir appartient à celui qui a la plus grande mémoire. Après un instant de réflexion, il ajoute « Un jour, on installera une statue de Lénine dans le centre. » Le petit Espagnol appelle son camarade. « Georges, je voudrais rentrer à l'hôtel, je suis fatigué. »« Bien sûr, Ricardo, » fait l'ogre par-dessus son épaule. « Excuse-moi, j'arrive. » Il tend une nouvelle fois la main au couple. « Monsieur, madame, ce fut un plaisir. » Il se salue. Anna n'est pas intervenue durant l'échange. Elle s'est rendue transparente, insipide, mimétique. Personne ne doit se souvenir d'elle. Là où elle passe, ses traces s'effacent. La conversation établie par son partenaire aidera à ériger un souvenir écran entre elle et le reste du monde. L'ogre et l'espagnol quittent l'établissement en chancelant. Ils disparaissent dans la nuit, comme un songe un peu absurde. Aujourd'hui. Le soleil se couche à Montpellier. Ne pas regarder à l'ouest. Retour à la case départ. Les rives du Lez adoptent une teinte veloutée. Z et Anna baissent les yeux. À leurs pieds, les flots gagnent le large. Il faudrait accompagner le courant. Plonger dans le fleuve, nager jusqu'à la mer, couper les amarres. « Tu restes encore à Montpellier ?» demande Anna. « Non. Je repars ce soir. Je suis juste venu une journée pour évaluer la situation. Je superviserai le remplacement de l'arbre au sommet de la tour dans une semaine. » Une infime déception se lit sur les traits de la vieille femme. Elle lève les yeux sur lui. Dans une semaine, c'est moi qui ne serai plus là. Je dois me rendre à Nairobi. Un voyage exotique, ça te tente? Un peu de tourisme. Comme à l'ancien temps. Tout frais payé. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais il ne peut s'empêcher de répondre. Je ne peux pas, tu le sais. J'ai des obligations. Solange, les enfants, l'entreprise. Et puis, c'est loin, Nairobi. Loin, oui. Il demeure là, en silence, tandis qu'au loin, des gens s'activent, se pressent et courent, avides de chimères, d'effluves. Les nationaux avaient voulu une patrie et on leur avait offert un immense supermarché. L'Europe, Saturne ultralibérale, avait dévoré ses petits. On ne combattait pas les agents de la mondialisation comme les rouquins à coups de barre de fer. S'il avait 20 ans aujourd'hui, pense-t-il, il ne saurait plus comment obéir, comment exécuter, qui frapper. Tu pourrais rentrer un peu plus tard? Une heure ou deux, je t'invite à dîner, insiste Anna. Monsieur Z aimerait retrouver ses arbres en un battement de cils, s'allonger dans l'humus et ne plus bouger, le regard fixé sur les feuillages dans le ciel. Il sait qu'il va rejoindre sa femme et ses enfants, reprendre le travail, à l'abri du danger et de l'exaltation, attendre la retraite et prier pour ne pas trop souffrir avant la mort. « Ça m'a fait plaisir de te revoir, » dit-il finalement. Une hésitation, il se penche vers elle, craint un moment qu'elle ne l'embrasse sur la bouche, mais cela ne se produit pas. Ils échangent un baiser chaste sur les joues. Les doigts d'Anna effleurent les siens. Il ignore si ce geste est volontaire ou non, mais retire sa main vivement. « Excuse-moi, » fait-elle embarrassée. « Non, ce n'est rien. » Il a tellement rêvé d'elle par le passé. Ils étaient jeunes. Elle lui demandait de poursuivre la route à ses côtés, de rester vivant. La vision était si nette qu'il se réveillait les larmes aux yeux, un sanglot étranglé pour ne pas réveiller l'autre. Les mots d'Anna possédaient une telle clarté qu'ils résonnaient encore dans son esprit. « Je t'aime. » Il comprend désormais que tout arrive toujours trop tard. Silence. Les flots. La rumeur de la ville comme une menace diffuse. Un arbre à terre. Et la guerre. Qui ne vient pas. C'était Le soleil se couche parfois à Montpellier, d'Antoine Chénas. Avec Olivier Claverie, Hélène Losseur, Nicolas Racca, Marina Moncade, Elsa Dupuis, les récitants Anna Gaylor, Jean-Claude Dauphin, Agathe Le Bourdonnec, Valeran de Normandie, les personnages, et la voix de Thomas Guenet. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.